Clermont-Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Ombres et mystères de l'histoire, c'est le titre du nouveau recueil de Philippe Delorme, publié chez Talendier. Et Franck Ferrand reçoit aujourd'hui son auteur. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Du cœur de Saint-Louis à l'assassinat de l'amiral Darlan, Philippe Delorme revient dans ce livre sur quelques-unes de ces énigmes que j'affectionne moi-même. Vous êtes bien placé pour le savoir dans cette émission. Alors pour nous mettre en jambe, je vous propose de rouvrir le dossier de l'éventuelle bâtardise du roi. Je dis bien éventuelle bâtardise du roi Louis-Philippe. Nous reviendrons par la suite sur un certain nombre de cas de rois cachés et de prétendants au trône. Et puis il y aura notre habituel retour aux origines en fin d'émission. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de l'autostop et des autostoppeurs. Oh, ben, c'est une longue expérience, qu'est-ce que vous voulez Qui a dit que cette émission se prenait au sérieux? Personne. Un mot d'ailleurs, pour vous rappeler que je jouerai ce soir le spectacle Histoire au Blanc-Ménil. Oui. Je vous l'ai dit hier, mais on me dit qu'il reste des places. C'est pas normal, ça. Faut en profiter. Profitons-en. Cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Je vous emmène donc pour commencer en Émilie-Romagne, à Modigliana, on est quelque part entre Bologne et Ravenne, si vous voulez, le 16 avril 1779, au palais prétorial naît une petite fille, Maria Stella Petronia. Elle est baptisée le lendemain, déclarée fille de Lorenzo Ciappini, qui est geôlier, gardien de prison si vous préférez, et de Vicenza Diligenti, son épouse. On ne peut pas dire que c'est une enfance très heureuse. Certes, le père est plein d'attention, mais la mère brutalise cet enfant, la gronde sans cesse, la traitant souvent de bâtarde. Ça a son importance pour la suite. Alors, heureusement, cet enfant va plaire à la comtesse Borghi, qui est la châtelaine locale, qui l'invite chez elle, qui lui offre des bijoux. Et lorsqu'elle a 4 ans, son père reçoit de l'avancement. Il est nommé brigadier de police à Florence, ce qui fait que toute la famille déménage. Les voilà partis à Florence. Maria Stella est une jolie fille. Elle reçoit une éducation soignée. Dès l'âge de 7 ans, elle étudie le chant, la danse, la comédie. Ça aussi, c'est important parce que ça veut dire qu'elle va bientôt avoir quelques prétentions. À 13 ans, elle fait ses débuts sur scène à Florence, au théâtre de la Piazza Vecchia. Et c'est là qu'un vieux lord anglais la remarque. Oh, bah, c'est classique, en cette fin de 18e siècle, les vieux lords anglais lorgnent sur les jeunes actrices en Italie. Tout ça est assez classique. Lui est veuf, riche. Vraiment pas attirant, disons-le, Lord Newborough, c'est son nom, a les dents rares et noirâtres et une haleine fétide, nous dira Maria Stella. Vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il nous raconte l'histoire de ces... Mais attendez, le vieil homme va tomber amoureux de cette jeune Maria Stella, il la demande en mariage, évidemment le geôlier n'hésite guère à lui donner sa fille, avec contrepartie, 15 000 ducats plus une rente mensuelle de 30 ducats et la propriété d'une belle maison à Fiesole, donc au nord de Florence. La nouvelle Lady Newborough, c'est ainsi qu'il faut l'appeler maintenant, va s'en aller. Elle va en Angleterre, elle suit son mari qui la présente comme étant née marquise de Modigliana, rien que ça. Autant vous dire qu'elle est devenue une mondaine, une de ces mondaines terribles, notre Maria Stella, qui partage son temps entre son hôtel particulier de Londres et le château de Glenlephon au pays de Galles. Elle sera bientôt naturalisée, présentée à la cour, etc. Bal, chasse, vie mondaine. Cette jeune Italienne qui brille par sa beauté, par la richesse de ses toilettes, donne à son mari 2 fils. Elle prend de plus en plus goût à cette vie, disons-le. Et voilà que meurt le vieux lord. Bah, on a envie de dire, ça tombe pas mal. 3 ans plus tard, elle va se remarier avec un gentilhomme russe cette fois, le baron Ungern Sternberg. On est en 1810 à ce moment-là, donc Maria Stella est devenue une baronne russe qui va donner naissance à un 3e fils. Une vie conjugale guère plus heureuse que la première, décidément. Les 2 époux finissent par décider de se séparer et Maria Stella regagne non pas son Italie natale, mais l'Angleterre de sa 2e naissance, si je puis dire. En Angleterre, elle s'ennuie un peu, et puis il pleut beaucoup là-bas pour une petite fille qui a été habituée, vous savez, au grand soleil de cette Italie, qu'elle finit par regagner donc. Eh ben, nous voilà bien avancés, vous dites-vous, attendez. En 1820, son père vient à mourir à son tour. Or, quelques jours après les funérailles, Maria Stella reçoit par la poste une lettre. Eh ben voilà. C'est là que je voulais en venir. La lettre en question va littéralement bouleverser sa vie. Milady, je suis finalement arrivée au terme de mes jours sans avoir dévoilé à personne un secret qui nous regarde directement, vous et moi. Ce secret est le suivant. Le jour où vous naquîtes d'une personne que je ne puis nommer et qui est déjà passée dans l'autre vie, il me naquit aussi un garçon. Je fus requis de faire un échange et, attendu ma fortune de ce temps, je consentis à des propositions réitérées et avantageuses. Et ce fut alors que je vous adoptais pour ma fille de la même manière que mon fils fut adopté par l'autre partie. Autrement dit, il y a eu un échange d'enfants. Je vois que le ciel a supplé à mes fautes, puisque vous êtes placé dans un état de meilleure condition que votre père, quoiqu'il fût dans un rang presque semblable, et c'est ce qui me fait terminer ma vie avec quelque repos. Gardez cela par-devers vous, pour ne pas me rendre totalement coupable. Oui, en vous demandant pardon de ma faute, je vous prie de la tenir, s'il vous plaît, cachée, pour ne point faire parler le monde sur une affaire sans remède. Cette lettre ne vous sera remise qu'après ma mort, et, évidemment, c'est signé Lorenzo Ciappini, le geôlier. Imaginez la stupeur de Maria Stella, qui donc n'est pas la fille du gardien de prison. Mais alors, qui est son père? Elle se dit que c'est sans doute, puisqu'il y a eu échange, puisqu'on a échangé une fille contre un fils, ça ne doit être qu'une personne importante, un noble personnage. Et pourquoi pas un prince? Alors tout de même, dans un premier temps, elle se méfie un peu de cette affaire. Elle ne croit pas à cette lettre qu'elle fait expertiser par un notaire à Florence, et le notaire lui dit « Aucun doute, la lettre est bien de la main de votre père ». Alors, malgré la demande expresse de l'ancien geôlier, demande de garder le secret, Maria Stella va commencer une enquête, une longue et difficile enquête, afin de savoir qui peut bien être son père. Des souvenirs lui sont revenus, vous savez, des allusions de Lord Newborough, l'intérêt que lui portait donc la comtesse Camilla Borghi, je vous en ai parlé. Maria Stella décide de rendre visite à deux anciennes servantes de cette fameuse comtesse, qui s'appellent les sœurs Biondini. Elles vivent à Faenza. Alors, est-ce qu'elles connaîtraient la vérité? Les deux vieilles filles accueillent Maria Stella à bras ouverts. Elles se souviennent très bien d'avril le 1773, de cette naissance, etc. Et elles lui racontent ce dont elles se souviennent. La comtesse Camilla, ainsi que son fils Pompeo, avaient l'habitude de passer une partie de l'année au château de Modigliana, où les deux servantes les ont donc suivies en 1773, au début du printemps. Or, dans cet endroit, étaient à l'époque établis deux époux français, le comte Louis et la comtesse de Joinville. Le comte avait une belle taille, dit l'une des deux dames. Le teint un peu brun, le nez rouge et bourgeonné. Quant à la comtesse, vous pouvez voir, Milady, dans votre propre personne, presque son image parfaite. Et elle raconte à Maria Stella que du fait du voisinage, une grande intimité s'était établie, que chaque jour, les deux familles se réunissaient. Et voilà ce que disent les sœurs Biondini. Le seigneur étranger était extrêmement familier avec les personnes de la plus basse condition et surtout avec le geôlier Ciappini, qui vivait dans la prison attenante au palais. Par hasard, les deux épouses allaient être mères presque en même temps. Or, la femme du comte ou du prince ne lui avait pas encore donné d'enfant mâle. Ce dernier craignait de ne pas avoir d'enfant mâle et que l'héritage attaché à la naissance d'un fils ne finisse par disparaître. Idée, au cas où il aurait une fille, l'échanger contre un garçon. Voilà l'histoire, vous comprenez. Le père en question, donc c'est Ciappini, qui accepte sans hésiter. Tout ça, les sœurs Biondini l'affirment à Maria Stella pour l'avoir entendu de leurs propres oreilles. La suite, vous vous en doutez. L'épouse du comte accouche d'une fille, l'épouse de Ciappini accouche d'un garçon, et l'on échange. Mais alors, qui est ce comte de Joinville, dont on disait dans la région qu'il avait de grandes possessions en Champagne? Maria Stella repart. Cette fois, ça n'est pas en Angleterre, c'est bien en France qu'elle vient s'installer. En Champagne, pas de trace de Joinville, mais elle n'abandonne pas. Sa vie n'a plus qu'un but, découvrir, proclamer aux yeux de tous sa noble origine, pourquoi pas son origine princière, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'elle s'est convaincue que, sous ce nom de comte de Joinville, s'était caché un certain Philippe d'Orléans, connu sous le nom de Philippe Égalité, oui, le cousin germain du roi de France, oui, le père officiel du futur roi Louis-Philippe. extrait d'Héroïka, la troisième des 9 symphonies de Beethoven à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous cet après-midi. Franck Ferrand vous plonge au cœur du mystère Maria Stella et Louis-Philippe. La suite, c'est dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites revivre la naissance de Louis-Philippe et surtout le soupçon de substitution qui lui est lié. Maria Stella, on vient de faire connaissance avec cette femme. Elle est née comme le futur roi en 1773. Elle affirme en effet être l'enfant légitime de Philippe Égalité, duc d'Orléans. Quand ils étaient bébés tous les deux, elle et Louis-Philippe auraient été échangés. Alors avant de continuer cette histoire et d'en savoir plus, quand on parle de la branche d'Orléans, de qui on parle exactement ? De la branche cadette de la maison royale de France. Il y avait une première branche, vous savez, celle de Gaston d'Orléans, puis une deuxième branche qui était donc frère de Louis XIII, et puis une branche fondée par Philippe, le frère de Louis XIV, bien entendu. À la mort de Louis XIV, c'est d'ailleurs que c'est son neveu, hein, Philippe d'Orléans, qui est devenu régent de France. Et l'arrière-petit-fils de celui-là n'est autre que ce Philippe d'Orléans, que tout le monde appelle Philippe Égalité à cause de sa position pendant la Révolution française. Et vous savez que petit à petit, de demi-cause en véritable engagement, il a fini par voter la mort de son cousin. Il a voté la mort du roi. Il sera guillotiné à son tour. D'ailleurs, Philippe Égalité, ses fils se battront dans les armées de la République et ce sera l'un des faits d'armes de Louis-Philippe de raconter qu'il était à Gemap, etc. Bien entendu. Alors, Louis-Philippe, justement, je vous rappelle ça en deux mots, roi des Français, donc il succède à son cousin Charles X au moment de la Révolution des Trois Glorieuses en 1830. Il est roi des Français de 1830 à 1848, bien entendu. Or, dans les mémoires de Maria Stella, il est question de cet échange à la naissance. Vous comprenez que c'est embêtant parce que les mémoires en question paraissent comme par hasard en 1830. Il va y avoir 4 éditions successives, plus une traduction en allemand, une traduction en italien, etc. Alors on va beaucoup s'intéresser à l'affaire, qui va d'ailleurs troubler pas mal Louis-Philippe en personne, qui va faire enquêter sur la question, et puis on se réintéressera à cette affaire Maria Stella plus tard, à la fin du 19e siècle, à une époque où les légitimistes partisans du comte de Chambord n'ont pas d'adversaire plus acharné que les orléanistes dont ils contestent la légitimité. Bien entendu, ça devient... Bon, on se jette ça à la figure, si je puis dire, hein, tout simplement. Alors, est-ce que Louis-Philippe aurait pu être simplement le fils d'un geôlier échangé avec le fils du prince et de la princesse en voyage, si je puis dire ? Pendant des mois et des mois, cette Maria Stella va chercher des témoignages. Elle fait intervenir des représentants de la famille Ciappini, mais aussi le comte Charles Biondini, qui aurait quelque temps été l'administrateur des biens du fameux comte et de la fameuse comtesse de Joinville. Bien mystérieux, ces personnages. Bon, au final, une foule de témoins de la substitution affirme qu'on a bien échangé au berceau en avril 1773 un petit garçon et une petite fille, ce qui pourrait quand même avoir des conséquences considérables. Maria Stella s'installe à Ravenne, elle saisit la cour ecclésiastique de Faenza et demande la rectification de son acte de naissance. Ce qui voudrait dire au passage que la personne avec laquelle elle a été substituée étant devenue roi des Français, ça pose quelques petits problèmes dynastiques en France, cette affaire, vous imaginez là. Alors, Maria Stella a remué ciel et terre. Hein. Elle avait porté l'affaire devant le tribunal ecclésiastique de Faenza, ça c'était en mai 1824. À la barre, tous les témoins défilent, les juges se déclarent édifiés. Le 29 mai, la cour a fait officiellement de Maria Stella la fille du comte et de la comtesse de Joinville, dont on ne sait toujours rien. La rectification est transcrite sur le registre des actes de naissance de Modigliana, ça c'est incontestable. C'est pour elle un véritable triomphe. Elle qui, après avoir été bien sûr italienne, puis anglaise, puis russe, se déclare maintenant plus française que le roi des Français. Un mystère demeure. À aucun moment, le jugement précise qui peuvent bien être ce comte et cette comtesse de Joinville. J'insiste là-dessus parce que c'est le fond de toute cette affaire. Hein. On ne sait pas qui se cache derrière ce comte et cette comtesse de Joinville, même si l'on sait que le titre de Joinville se trouve dans la branche cadette depuis longtemps, bien entendu, et qu'il est régulièrement utilisé chez les Orléans. Maria Stella en est persuadée. Ce comte de Joinville était le nom d'emprunt du duc Philippe d'Orléans, de celui qui deviendra Philippe Égalité. Ces deux-là, pense-t-elle, ne font qu'une seule et même personne. Le duc et la duchesse, donc prince et princesse, devrais-je dire, sont rentrés en France avec un enfant mâle, ce qui fait qu'ils assuraient ainsi les droits de la branche cadette. Et elle, là-dedans, elle a laissé pour compte, elle entend bien ne pas rester sur le carreau. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand vous fait revivre la naissance de Louis-Philippe et celle de Maria Stella. Comment cette histoire va évoluer? Nous parlons jusqu'à 15h des prétendants et des imposteurs. Vous pouvez bien sûr réagir et vous êtes déjà nombreux à réagir à cette émission sur la page Facebook Au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH, sans oublier bien sûr tous vos messages sur europe1.fr. Cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de deux personnes, hein, finalement, même s'il y en a un peu plus qui gravitent autour. Louis-Philippe et Maria Stella. Maria Stella, on est persuadé. Le comte de Joinville et Philippe Égalité ne sont qu'une seule et même personne. Voilà, exactement. Et elle veut démontrer qu'elle est certainement l'enfant royal. Oui, elle s'appuie sur tout ce qu'elle peut. Le nom d'abord, hein, puisque donc ce comte de Joinville, ce titre de Joinville n'est porté en France que par des membres de la maison de Bourbon. Et c'est vrai que Philippe d'Orléans, par ailleurs, le futur Philippe Égalité, a voyagé sous ce nom. Ça paraît relativement incontestable. Ensuite, les descriptions faites du comte de Joinville, riche, puissant, un peu gros, le teint brun, le nez rouge et bourgeonné. Tout ça peut faire penser incontestablement à Philippe Égalité. On le dit aussi affable, familier avec les gens de basse condition. Vous savez que ça, c'était ce qui faisait la particularité de ce prince, bien entendu. Ce sont des arguments qu'avancent. Et elle en est convaincue. Elle s'arc-boute, évidemment, sur cette histoire. Donc, si le fils du duc d'Orléans, né en 1773, n'était en vérité que celui de Chiappini, alors ça veut dire que le roi des Français, Louis-Philippe Ier, n'était pas du tout de sang royal. Est-ce que ça aurait gêné son accession au trône? On ne peut même pas en être certain lorsqu'on connaît les circonstances de l'avènement de Louis-Philippe. Nous poserons la question à Philippe Delorme tout à l'heure. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que les arguments en question sont courts et que nous ne disposons évidemment, à l'appui de ce qu'a bien pu alléguer Maria Stella, aucune forme de preuve. C'est vrai qu'il y a eu substitution, admettons-le, tout le monde le dit, il y a beaucoup de témoins, etc. Mais c'est pas parce qu'elle a été substituée avec un enfant que pour autant c'était qu'elle a été substituée à Louis-Philippe, vous imaginez bien. Louis-Philippe est né en 1773, mais il n'est pas né en avril en Italie, il est né en octobre à Paris. Et pour cause, dit Maria Stella, c'est normal, puisque au moment où on a déclaré sa naissance, il avait déjà 6 mois, c'est pour ça qu'on disait que c'était un si grand et gros bébé, etc. Vous imaginez, dans les circonstances de l'époque, en 1773, à la cour de France, cousin du roi, un cousin de Louis XV qui naît, et ça paraît quand même extrêmement peu probable. Et puis comment confondre un bébé de 6 mois avec un nouveau-né, hein, quand même, vous avouerez. Et puis le duc et la duchesse de Chartres, comme il s'appelait à l'époque, donc le futur duc et duchesse d'Orléans, ne se trouvait pas du tout à Modigliana le 16 avril 1773. On sait de la manière la plus certaine que Philippe Égalité était bien à Versailles le 11 avril de cette année-là, puisqu'il assiste à la cérémonie du Jeudi Saint, qu'il signe le registre. Et puis le 23 avril, il est au mariage morganatique de son père avec Madame de Montesson. Donc on voit pas bien comment il aurait eu le temps d'aller faire un petit séjour à Modigliana, à une époque où il n'y avait pas d'avion quand même. Philippe Égalité et son épouse n'étaient pas en Italie en avril 1773. Louis-Philippe et Maria Stella n'ont jamais été échangés à la naissance. Je crois qu'on peut le dire et qu'on peut l'admettre. Et néanmoins, jusqu'à sa mort en 1843, Maria Stella n'a cessé de proclamer qu'elle était la seule héritière légitime des Orléans. Alors, elle n'était pas la fille de Lorenzo Chiappini, elle en était convaincue, on peut peut-être l'admettre, mais elle n'était pas davantage celle de Philippe Égalité. Si elle avait pris plus de temps, d'énergie, si elle s'était donné davantage de moyens pour chercher l'identité de ses vrais parents, peut-être y serait-elle parvenue. Le problème, c'est qu'elle s'est laissée constamment depuis le début aveuglée par cette obsession. Elle était la fille du duc d'Orléans. Elle va terminer ses jours en France, la pauvre Maria Stella. Elle se fait appeler Marie Étoile. D'ailleurs, elle signe Marie Étoile d'Orléans. Ou parfois, elle signe Joinville aussi, vous voyez. Elle vit à l'hôtel de Bath, au coin des rues Cambon et de Rivoli. Dans son rez-de-chaussée, elle a garni les fenêtres de portraits, de gravures, de miniatures, etc. Sur la famille d'Orléans, elle passe son temps à écrire des billets empreints d'injures envers le roi régnant, envers Louis-Philippe. Et elle n'a, dit-on, qu'un seul plaisir, c'est d'aller distribuer du pain aux pigeons des Tuileries. C'est une femme qui finit par divaguer un peu, et même beaucoup. Elle finit dans une sorte de folie douce. Elle sort de moins en moins, et elle mourra trop tôt pour voir la chute de son grand ennemi, de son frère substitué, de ce Louis-Philippe que jusqu'au bout, elle se sera acharnée à traiter de brigand. Bonjour Philippe Delorme. Bonjour. Est-ce que le roi Louis-Philippe lui-même a cru aux suppositions, aux allégations de sa prétendue sœur de substitution? Non, bien sûr qu'il n'y a pas cru. Il ne lui a même pas fait l'honneur de la persécution. C'est la phrase d'Alexandre Dumas. On connaît cette histoire beaucoup par Alexandre Dumas, qui avait été secrétaire du duc d'Orléans, du futur Louis-Philippe, et donc qui raconte cela dans ses mémoires avec force détail. Et donc le personnage effectivement truculent de Maria Stella réapparaît grâce à Alexandre Dumas. Bien évidemment, comme vous l'avez expliqué, toute cette histoire n'a ni queue ni tête. On sait très bien que le futur Philippe Égalité et son épouse n'étaient pas en Italie au moment de la naissance, que la naissance a eu lieu d'ailleurs de cette fille 6 mois avant la naissance du futur Louis-Philippe. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Bon, je vais me faire l'avocat du diable parce que je suis là pour ça. Néanmoins, reprenons les deux ou trois petits arguments. Incontestablement, comte, comtesse. Alors, normalement, c'est prince, princesse, mais comte, comtesse de Joinville, c'est un titre Orléans, ça, Joinville. Comte, comtesse de Joinville, mais c'est. On part des suppositions ou des dires de deux vieilles filles d'italiennes qui ont peut-être mal entendu. Non, ce qui est probable, c'est que s'il y a bien eu substitution, c'est plutôt un seigneur italien. Alors on parle d'un seigneur de Rimini, etc. D'ailleurs, vous avez lu tout à l'heure la lettre du vieux Chiappini, oui, qui dit vous êtes en tant que baronne dans une situation un peu supérieure à celle de votre père. Oui. Donc ça signifie bien que son père n'était pas prince du sang de France. Oui, c'est-à-dire que on pourrait presque dire que l'énigme, elle est résolue dans ce qu'il a créé, dans ce qui lui donne l'occasion de naître, c'est-à-dire dans cette lettre, puisqu'effectivement, le bonhomme, au moment, le geôlier, au moment où il avoue cette substitution, et cette substitution, encore une fois, il y a pas mal de témoins qui l'affirment, on peut l'admettre. C'est admissible. Mais cette substitution, il dit lui-même qu'elle est arrivée en tant que baronne russe, elle est arrivée au-dessus de la condition de celui qui était son véritable père. Donc ça ne peut pas être le duc d'Orléans. Et puis on ne voit pas bien, enfin en tout cas, pourquoi le futur Philippe Égalité se serait prêté à ce genre de mascarade, d'autant qu'un enfant naissant à la cour de France, en l'occurrence au Palais Royal à Paris, était entouré, et bien sûr l'accouchement se faisait pratiquement au public, et donc on aurait eu difficilement moyen de faire passer un enfant de 6 mois pour un nouveau-né sortant du ventre de sa mère. Il faut imaginer le petit enfant de 6 mois qu'on essaie de faire vagir comme s'il venait juste de naître. Oui, ça serait peu crédible. Bon, tout le monde dit, en revanche, j'ai vérifié ça, tout le monde dit que le futur roi Louis-Philippe, donc le petit duc de Chartres lorsqu'il naît, eh bien, un bébé grand et bien portant. Oui, hein. Mais bon, peut-être pas la taille d'un enfant de 6 mois, tout de même. Bon, vous êtes en train de nous dire que cette énigme n'est pas une énigme, d'une certaine manière. Non, ce n'est pas une énigme, mais c'est quelque chose qui va être utilisé ensuite, comme vous l'avez dit d'ailleurs, par les adversaires de la famille d'Orléans, essentiellement les légitimistes jusqu'en 1883, partisans du comte de Chambord, donc de la branche aînée, puis après la mort du comte de Chambord, ceux qui vont refuser absolument de concéder à la branche d'Orléans l'aînesse des Bourbons de France vont expliquer que de toute manière les Orléans sont disqualifiés parce que ce sont les fils d'un geôlier, et même on raconte que le Philippe Égalité lui-même aurait été le fils d'un palefrenier ou d'un cocher de son père, enfin voilà, donc mais c'est alors, une famille... en même temps, et c'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure, Philippe Delorme, Le fait que Louis-Philippe succède à son cousin Charles X dans des conditions très troublées, à un moment où toute une partie de l'opinion serait même favorable à la République, on est en 1830, il monte sur le trône, mais non pas en tant que roi de France, en tant que roi des Français, il n'est pas roi par la grâce de Dieu. Tout ça fait qu'à la limite, on se moque presque de savoir quelles sont ses origines. Ah ben c'est un roi élu, en fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je crois qu'il y a une affiche à l'époque où on dit « il est roi ». Pas parce qu'il est bourbon, mais en dépit du fait qu'il soit bourbon. C'est-à-dire que la limite d'appartenir à la famille de Bourbon est presque un handicap à l'époque, puisqu'on exècre cette dynastie, voilà, qui a failli et qui a disparu avec Charles X. Sic transit donc la gloire de Marie Étoile d'Orléans. C'est ainsi que se faisait appeler la Maria Stella. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Pleine de mystères aujourd'hui sur Europe 1, puisque nous nous intéressons jusqu'à 15h aux prétendants et aux imposteurs de l'histoire. Avec votre invité, Franck, vous recevez l'historien Philippe Delorme. Il est aussi l'auteur d'Ombre et mystères de l'histoire, paru chez Talendier il y a quelques jours. Alors juste, puis je vous promets que nous allons clore ce chapitre Maria Stella, mais c'est amusant en même temps. Louis-Philippe ressemblait d'une façon saisissante à Louis XIV, et l'on a cette anecdote qui date de juin 1837, où le roi Louis-Philippe, étant en train de préparer les célébrations de l'ouverture de son musée à Versailles, va se saisir du déguisement, de l'habit de théâtre d'un des comédiens qui est venu jouer une pièce de Molière, met la perruque Louis XIV, met le revêt le juste au corps, etc., et sans rien dire à personne, il se présente devant sa famille et les quelques personnes qui sont là, je crois que Talleyrand est là d'ailleurs, et tout le monde est complètement sidéré, saisi par l'incroyable ressemblance. Il y a une preuve supplémentaire qui est plus récente, puisqu'en 2013, j'ai fait procéder à des analyses ADN sur trois descendants donc des Bourbons, donc deux descendants de Louis XIV, donc de Bourbon Parme, et puis un descendant du frère donc de Louis XIV, Philippe d'Orléans, Jean d'Orléans-Bragance, un prince brésilien, et ils ont le même chromosome Y. Ça signifie donc que les Orléans aujourd'hui sont bien du même sang que les descendants de Louis XIV, et donc il n'y a pas eu de substitution à aucun moment. C'est une preuve scientifique. Fermez le banc. Mais alors, puisque vous parlez d'analyse ADN, dont vous vous êtes fait en quelque sorte une spécialité, Philippe Delorme, revenons sur un autre cas infiniment plus passionnant, entre nous soit dit, et beaucoup plus douteux, complexe, celui de l'enfant du temple. Ça, oui. C'est un grand mystère. Alors là, il pourrait, en tout cas, on a dit qu'il avait pu y avoir substitution. Cet enfant, c'est le dernier enfant, le dernier fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui meurt à l'été 1795 au temple, mais dont certains disent qu'il aurait survécu. Alors, c'est le problème de ces morts, je dirais, mystérieuses qui jalonnent l'histoire, parce que dans toute l'histoire, on aura comme cela des traditions, des légendes qui racontent que tel prince ou tel roi ou tel empereur n'est pas vraiment mort, mais qu'il s'est caché, qu'il a disparu, etc. Et c'est vrai qu'au XIXe siècle, ça va être Louis XVII qui va, ce mythe va revêtir la figure de Louis XVII, l'enfant du temple, qui se serait échappé alors dans des conditions mystérieuses. Et tout au cours du XIXe siècle, on va avoir à peu près au moins une centaine de personnes qui vont tour à tour dire « je suis Louis XVII ». On en retrouve aux Seychelles, on en retrouve en Croatie, on en retrouve aux États-Unis. Dans la région des Grands Lacs, on a un métis iroquois qui prétend être Louis XVII. Enfin, voilà, tout ça, en Argentine également. En Argentine, nous avions reçu ici un ambassadeur de France qui avait écrit un livre sur un candidat argentin. C'est un Benoît qui est mort dans des conditions un peu bizarres en Argentine dans les années vers 1830, par là, je crois. Et donc, voilà, on a des Louis XVII à l'appel. Alors, bien sûr, Baron de Richemont. Baron de Richemont. Alors, les deux plus connus, c'est donc ce fameux Baron de Richemont qui était très très connu et qui est mort finalement à côté de Lyon, où sa tombe existe toujours dans le petit cimetière de Glézé. Et sur la tombe il y a écrit Louis XVII, voilà, tombe de Louis XVII. Mais il y a une autre tombe de Louis XVII, parce que c'est un homme qui meurt plusieurs fois, qui est en Hollande, à Delft, donc dans un jardin public maintenant, qui est la tombe du fameux Nandorf, donc qui était un des plus célèbres Louis XVII. Les plus célèbres, non pas parce qu'à l'époque il était le plus connu, je pense que Richemont était plus connu que lui, mais il a laissé une abondante descendance, et donc il a créé en fait une dynastie et parallèle. Alors, surtout, de son vivant, Charles-Guillaume Nandorf va jouer un rôle très important, c'est-à-dire que lui, il revendique... Oui, mais Richemont aussi le faisait. Richemont le faisait, mais et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est, si on peut dire, c'est que Nandorf arrive très tard, hein, il arrive seulement justement en 1832 ou 33, donc au moment où Louis-Philippe est roi des Français, donc c'est un homme de 50 ans, qui parle pas un mot de français, et finalement il va réussir à se faire reconnaître par parce qu'il avait avoir un charisme particulier, j'imagine, une force de persuasion. Il se fait reconnaître par un certain nombre d'anciens serviteurs de la couronne, en particulier une berceuse de Louis XVII, donc j'ai oublié le nom d'ailleurs, Madame de Rambeau, voilà, exactement. Ah voilà, oui, c'est ça, oui. Et donc, mais ce qui va assurer, je dirais, sa prospérité, c'est deux choses. C'est d'abord que lorsqu'il meurt en 1845 à Delft en Hollande, il arrive à se faire, enfin, ses partisans arrivent à le faire enregistrer à l'état civil sous le nom de Louis-Charles de Bourbon, ou Charles-Louis de Bourbon, parce qu'il avait inversé les prénoms. Donc, ce qui signifie que sa nombreuse descendance porte encore aujourd'hui le nom de Bourbon. Bon, ce qui rend les choses encore un peu plus nébuleuses, parce que quand vous avez quelqu'un qui vient et qui s'appelle Monsieur de Bourbon, vous avez tendance à croire que... il est vraiment du sang royal. Puisque nous vous avons avec nous dans ce studio, rappelons quand même ce qui s'est passé en 2004. C'est-à-dire que vous avez... Oui. Vous avez mis un terme, un point final à cette affaire. Bah, si vous voulez, c'est vrai que les sciences aujourd'hui nous apportent des éléments, on parle de sciences auxiliaires de l'histoire, mais apportent des éléments qui peuvent apporter des preuves définitives pour clore un certain nombre de ces énigmes, mais ça a été le cas pour Louis XVII, puisque le cœur de l'enfant du Temple, mort donc en 1795, avait été conservé par un des chirurgiens, donc le docteur Pelletan, qu'il l'avait gardé pieusement dans ses collections, qu'il l'avait desséché, enfin c'était devenu une sorte de pierre, hein, ce cœur. Et à travers un parcours complexe au cours du 19e et du 20e siècle, mais qu'on a pu retracer de manière vraiment précise, parce qu'il y a énormément de documents, il s'est retrouvé à Saint-Denis en 1975, et donc en faisant une analyse ADN sur ce cœur, on a pu déterminer que ce cœur était bien le cœur d'un enfant de la famille de Marie-Antoinette. Et donc, on ne voit pas quel autre enfant de Marie-Antoinette aurait pu mourir au Temple en 1795. C'est passionnant l'histoire de ces personnes qui sortent de l'ombre, qui s'extraient de l'anonymat, si je puis dire, et qui clament, qui affirment être un prince ou un roi disparu. C'est un phénomène. Là, nous allons consacrer très bientôt une émission à tous les faux Napoléons. Mais j'ai découvert, moi, ce sujet, je vous l'avoue, je ne connaissais pas. Ça représente des dizaines et des dizaines de personnes qui, le plus sérieusement du monde, pas toujours, hein, certains sont de purs fantasque, mais quand même beaucoup affirment être Napoléon, rentré de Saint-Hélène. C'est une pathologie qui est bien connue par les psychiatres. Hein. C'est une sorte de mythe, de mythe familial que l'on crée. Mais des faux, effectivement, dans l'histoire, on a eu Louis XVII, mais on a eu aussi les faux Sébastien en Portugal, les faux Dimitri en Russie. On attend toujours le retour de Charlemagne ou de l'empereur Barberousse. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de récurrent justement, dans l'histoire. Revenons sur les deux cas que vous venez de citer, parce que là, ces cas se greffent sur un tissu socio-culturel très différent. En France, on est, qu'on le veuille ou non, le plus rationnel possible, cartésien, on déteste, entre nous, soit dit, ce genre d'affaires. Au Portugal, ou a fortiori en Russie, on les adore, on les cultive, si je puis dire. Oui, c'est le fameux mythe du roi caché. Le mythe du roi caché, mais ça recoupe, je pense, à quelque chose qui est au tréfonds de l'inconscient collectif, hein, aurait dit Jung. C'est-à-dire, c'est un archétype qui réapparaît vraiment et qu'on retrouve dans toutes les civilisations, l'idée de ce roi qui va revenir à la fin des temps et qui restaurera l'âge d'or. Enfin, qui on a ça même dans Nostradamus. On l'a dans Nostradamus. Alors, on a toute une, justement, pour Louis XVII, on a toute une filiation de prophéties depuis le Moyen-Âge, donc en passant par Nostradamus jusqu'au XIXe siècle. Il faut voir que le XIXe siècle est une période de rationalisme, comme vous dites, mais c'est aussi une période de renouveau de tous les occultismes, de tout le mysticisme, etc. Et il y a toute cette vague mystique, finalement, qui attend le retour d'un roi, parce qu'un certain nombre de personnes ne se satisfont pas de la tournure des événements au XIXe siècle, et donc aspirent au retour d'une monarchie fantasmée. Les Portugais attendent le retour de Sébastien. Le roi caché au Escobedo, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, Sébastien, c'est extraordinaire, parce que c'est un prince qui est mort très jeune, vers l'âge de 20 ans, au Maroc, dans une bataille qu'on appelle la bataille des trois rois, parce que trois souverains sont morts dans cette bataille. Alors, on a raconté ensuite qu'il s'était échappé, qu'il avait été jusqu'en Inde ou en Éthiopie, puis qu'il était revenu. Et deux personnages en particulier vont assumer sa filiation, son identité, et puis finir mal d'ailleurs, parce qu'ils seront finalement assassinés ou pendus. Ça finit généralement mal pour ces gens-là. Oui. Vous parliez des faux Dimitri russes, il y en a quand même un qui a réussi à se faire totalement reconnaître comme tel. Alors Dimitri, il faut dire héritier Tsarevitch, assassiné sur ordre par Boris Godounov. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Ça se faisait beaucoup. Et qui revient, un prétendant sort quelques années plus tard, soutenu par les Polonais, parce qu'il faut voir qu'il y avait les Polonais avaient un intérêt à déstabiliser le voisin russe. Mais ils arrivent quand même à faire sacrer le faux Dimitri, qui devient tsar de toutes les Russies quand pendant quelques semaines. Enfin voilà, ça se termine mal pour lui, parce qu'il y a une révolte des boyards. D'abord, ça a été un très mauvais tsar. Oui, mais ça, il n'a pas eu le temps d'être mauvais très longtemps. Mais c'est vrai qu'il a été assassiné. Et ensuite, il y en a un autre qui réapparaît, qui est une sorte de cosaque aussi. Alors il y a toute une ce sont des histoires extraordinaires, effectivement, qui mériteraient à elles seules de faire un livre. Oui, n'oublions pas, la plus extraordinaire de toutes ces histoires, et c'est celle que préfère Pierre-Louis Lancel, notre auteur ici, qui est l'histoire de Jean Ier, vous savez, Jean Ier le posthume, le fils de Louis X le Hutin, dont on pense qu'il aurait bien pu vivre en Italie et renaître. Voilà, puisqu'il y a un certain Giannino de Guccio, donc, qui était un fils d'un marchand siennois, qui va lui aussi se faire reconnaître par son cousin, le roi de Hongrie, et puis qui va même à un moment marcher à la tête d'une armée pour essayer de reconquérir le trône de France. Je me dis qu'on devrait toujours, à un moment ou à un autre, dans une émission d'histoire digne de ce nom, toujours avoir un moment où l'on parle de Jean Ier. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des ombres et mystères grâce au nouveau livre de l'historien Philippe Delorme, qui est votre invité, Franck Ferrand. Ombres et mystères de l'histoire, c'est paru chez Talendier il y a quelques jours. Oui, et ce sont les chroniques de Valeurs Actuelles que vous avez reprises, étoffées, détaillées en quelque sorte. Je fais une chronique hebdomadaire sur les énigmes de l'histoire, et donc j'ai repris les 60 premières, puisque je fais ça depuis maintenant deux ans et demi. Et évidemment, il a fallu les étoffer pour en faire de véritables chapitres. Et bien sûr, c'est quelque chose qui me passionne, d'abord parce qu'en tant qu'historien, je suis d'abord un enquêteur, puisque histoire veut dire en grec enquête. Donc nous sommes tous des enquêteurs, des sortes de Sherlock Holmes ou de Columbo du passé. Et donc on a, moi j'ai toujours une passion à essayer de fouiller les archives, de retrouver la trace de la vérité au-delà de toutes ces légendes. Et c'est passionnant. Ça me fait sourire, parce que les phrases que vous venez de prononcer sont presque mot pour mot dans le spectacle que je présente en ce moment. Vous voyez, donc les grands esprits s'en comptent. Mais nous sommes là sur la même longueur d'onde. Nous comprenons Philippe Delorme. Alors, vous allez loin sur la quatrième de couverture du livre. Vous vous posez la question suivante. Macron a-t-il trempé dans le meurtre de Tibère? Ah, mais ça, c'est un scoop. Oui. Le Macron en question n'est pas notre président de la République. Ah, je vous rassure tout de suite. Sinon, il y avait une faille spatio-temporelle. Absolument. Non, c'était un Romain, donc qui a d'abord été patron des pompiers de Rome, enfin ce qu'on appelait les vigiles à l'époque, des services de sécurité, et qui donc a été ensuite propulsé préfet du prétoire, c'était en fait préfet de Rome, enfin chef de je dirais, remplaçant l'empereur à Rome, et donc il va ensuite trempé dans la mort de Tibère, qui meurt assez âgé, hein. Il est à Capri, dans sa villa de Capri. On dit qu'il a été étouffé sous des coussins et que ce fameux Macron aurait pu précipiter les choses pour amener l'avènement de Caligula. Voilà. Donc, on peut imaginer que ce chapitre n'aurait sûrement pas figuré dans le livre il y a encore 24 mois. Non, c'était assez circonstanciel. Assez circonstanciel. Alors, il y a des choses qui le sont en revanche nettement moins. Vous avez des énigmes préférées, si je puis dire, parmi toutes celles que vous nous proposez. Je pense par exemple à ce Bourbon chez les Nababs, vous avez parlé, Michel de Grèce, il y a quelques années. Oui, si on reste dans l'idée des énigmes royales un peu, mais il n'y a pas que des énigmes royales ce livre. Il y a aussi des procès, des énigmes judiciaires, enfin de toutes sortes de choses archéologiques, etc. Mais ce Bourbon chez les Nababs, oui, c'est intéressant parce qu'il faut savoir qu'il y a une famille de Bourbons, alors donc qui est installée à Bhopal, en Inde, hein, dans cette ville qui avait subi un désastre écologique il y a une trentaine d'années, hein, à cause d'une usine chimique. Donc c'est Bourbon Bhopal, dont le chef s'appelle Napoléon Balthazar, ce qui est quand même assez extraordinaire pour un descendant présumé des rois de France, seraient les descendants donc d'un certain Jean-Philippe de Bourbon, qui serait arrivé au XVIe siècle mystérieusement à la cour du Grand Mogol. On n'en sait pas beaucoup plus. On sait qu'il a sans doute existé, que depuis ce temps-là, effectivement, il y a une famille qui a prospéré, qui est devenue seigneur, enfin qui a obtenu des charges, etc., en Inde, et qui se revendique comme Bourbon. On n'en sait pas plus. Alors effectivement, Michel de Grèce avait écrit un roman là-dessus en expliquant que ça pourrait être le fils du fameux connétable de Bourbon mort sous les murailles de Rome. Bon, tout ça reste très mystérieux. En tout cas, cette famille existe et elle existe. On a sa trace depuis de nombreux siècles. Il faut dire que les secrets de famille et les interrogations qui peuvent de temps en temps se poser sur les origines d'un certain nombre de personnages célèbres font de bonnes énigmes, évidemment. Il y a aussi le fameux général Végan, par exemple. Végan fait partie de ce livre aussi, Végan dont on a fait le fils d'un roi. Rappelez en deux mots qui était le général Végan. Le général Végan était généralissime de l'armée française en 1939 ou 40. Mm-hmm. Et donc au moment de l'invasion. Au moment où c'était un peu trop tard, donc il a récupéré un bébé un peu dans des conditions difficiles. Il est mort pratiquement centenaire dans les années 60. Et on n'a jamais su vraiment qui était son père, puisque Végan était un homme qui l'avait adopté, mais de manière c'était un nom d'emprunt en quelque sorte. Végan père. Le Végan père. Et donc on a des points d'interrogation, c'est-à-dire qu'on a prétendu qu'il aurait pu être le fils de Léopold II des Belges, du roi des Belges, ou alors de l'impératrice Charlotte du Mexique. C'est celle qui avait épousé Maximilien, empereur du Mexique. Ouais. Peut-être un fils de Maximilien. On a différentes théories qui tournent quand même beaucoup autour de la famille royale de Belgique et des Habsbourg. Donc voilà, Végan avait sans doute une ascendance relativement illustre, mais lui-même ne le savait pas. Il disait « je suis le fils du grand Turc » quand on l'énervait un peu trop là-dessus. Vous n'avez peut-être pas révélé tous vos secrets de fabrique, Philippe Delorme, mais vous avez des filons, si je puis dire, pour dénicher des énigmes, pour trouver des éléments, pour trouver des ombres et des mystères dans l'histoire. J'ai quelques idées sur la question, inutile de vous dire, mais ça m'intéresse de connaître idées, les vôtres. D'abord, il y a les énigmes phares qu'on retrouve tout le temps. Oui, bien sûr, quand on parle de Louis XVII. C'est vrai qu'il y a un nouvel instrument depuis quelques années qui est Internet et qui permet de trouver aussi quand même des choses... Des pistes sur des énigmes vraiment bizarroïdes qui se trouvent en Japon, en Indonésie, etc. Il y a toutes les curiosité éditoriale du passé. Alors, un certain nombre de chroniques, des livres étonnants qui ont été publiés notamment dans la première moitié du XXe siècle, qui sont aujourd'hui largement oubliés et qui avaient déjà creusé assez en profondeur des questions qu'on a aujourd'hui oubliées. Oui, bien sûr, on a ce fameux auteur dont j'ai oublié le nom, que vous connaissez très bien. Le nôtre, qui a fait des dizaines et des dizaines de volumes. Lui, ce qu'on appelle des trésors d'archives. Alors, c'est encore... Il a voilà, les papiers, vieux papiers et grands et secrets. Vieille maison, vieux papier. Vieille maison, vieux papier. Bon, pour les énigmes plus récentes, parce qu'effectivement, on va jusqu'à des énigmes récentes ou des affaires, par exemple, comme Bruère en Artois, des choses comme ça. Donc là, c'est vrai que ce qu'on retrouve sur Internet, c'est surtout maintenant avec, par exemple, un site comme Gallica, qui est le site des archives nationales, de la Bibliothèque nationale. Oui. Où on a par exemple tous les journaux français du début du XXe siècle. Là, c'est extraordinaire. Pour que nos auditeurs ne s'imaginent pas que vous ne parlez que de, j'allais dire, de petites histoires, il y a des éléments de grandes histoires aussi. Je pense par exemple à l'attentat, à l'assassinat de Darlan, qui va faire basculer la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'assassinat de Darlan, là, on reste encore dans quelque chose d'un peu dynastique, puisqu'on a accusé le comte de Paris. D'avoir trempé dans cet assassinat. C'est vrai que Darlan, donc, qui était en Afrique du Nord en 42 au moment du débarquement américain, se retrouve propulsé un peu par hasard à la tête de cette Afrique du Nord libérée. Et bien sûr, autour de cela, les gaullistes, les royalistes, enfin différentes factions ont envie de s'en débarrasser. Donc Darlan va opportunément être assassiné par un jeune étudiant de Bonnier de la Chapelle, et on ne saura jamais si c'est De Gaulle, si c'est les milieux gaullistes. On pense que l'entourage du comte de Paris a dû tremper dans l'affaire, puisqu'il y avait un certain abbé Cordier qui était royaliste et qui a sans doute poussé jeune Bonnier à commettre cet acte. Est-ce qu'il y a eu vraiment un ordre formel du comte de Paris? Je ne pense pas, que c'était pas tout à fait dans l'esprit du personnage. Je pense qu'il a dû dire, ce serait bien que Darlan disparaisse. Point de suspension. Et les autres ont... Je dirais, trouver la solution la plus favorable. Il y a parmi les mystères et les énigmes de l'histoire, ceux qui sont neutres et ceux qui sont malveillants, si je puis dire. Il est certain qu'un grand nombre de ces énigmes sont dictées par une forme de malveillance ou par l'envie de discréditer un camp adverse, etc. Donc, celles-là, il faut les prendre avec d'autant plus de pincettes. Et ce qui permet justement de rétablir la vérité, parce que dans ce livre, il y a des énigmes qui restent des énigmes. Végan, par exemple, on ne sait toujours pas qui est son père, et ni sa mère d'ailleurs, mais on a d'autres énigmes qui sont absolument résolues maintenant et sur lesquelles on a plus rien à rajouter. Vous allez poursuivre vos investigations dans les colonnes de Valeurs Actuelles? Alors je continue, donc j'en suis maintenant presque à avoir suffisamment d'informations pour faire un deuxième volume. Donc si celui-là rencontre son public, eh bien il y aura une suite dans un an. Alors on parle de Glosel, donc vous parliez d'archéologie, d'une Atlantide japonaise, on parle du fameux homme rouge des Tuileries, il est question de la fameuse Tiare de l'Ogresse, sujet magnifique. Alors la Tiare de l'Ogresse, c'est simplement la reine de Madagascar, Ranavalo Ier, dont la couronne a été volée il y a quelques années... Et puis du rapt de la rue Oudino, et puis de la bonne dame de Loudun. Voilà, on arrive à des choses aussi très contemporaines. C'est Marie Bénard qui avait la gueule de l'emploi, dit-on, c'est-à-dire qu'elle avait une tête d'empoisonneuse qui lui a valu beaucoup d'années de prison. Le dernier de vos 60 chapitres s'intitule « Drame au pont de l'Alma ». Je ne ferai pas à nos auditeurs l'injure de leur décrypter un titre comme celui-là. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Ah, c'est un retour aux origines, finalement, peut-être assez récent, en tout cas pour les auditeurs. Vous allez nous parler de l'autostop et du fait de lever le pouce pour demander aux voitures de s'arrêter. Alors, bon, l'autostop, il y a ceux qui sont pour eux, ceux qui sont contre. Ça m'a amusé parce que tout à l'heure, dans le bureau... Il y a eu un débat. Ah, mais un débat qui était assez passionnant sur la question. Il s'agit d'abord d'une réaction de solidarité et il n'aura pas fallu attendre l'avènement de la voiture pour voir fleurir des autostoppeurs sur le bord des routes, chère Anissa. Il faut quand même le dire et le préciser. La question qui se pose est donc, vous le dites, celle de ce pouce levé. Pourquoi choisir ce geste plutôt qu'un autre? Il n'y a pas d'acte fondateur à cette pratique, il s'agirait plutôt d'une coutume qui, au fil du temps, s'est imposée. Dans notre culture, le pouce levé a une connotation positive, et vous savez pour quelle raison? Ça nous ramène évidemment à l'époque de la Rome antique, les gladiateurs. Des jeux du cirque, des gladiateurs, etc. Lorsqu'on demande, n'est-ce pas, on lève le pouce pour demander à celui qui préside les jeux, qui peut être l'empereur mais qui ne l'est pas forcément, la grâce d'un des combattants. Le pouce levé dans la foule et surtout dans la tribune donnait la grâce et assurait la survie du gladiateur, bien sûr. Alors, si j'en crois d'ailleurs Philippe Vandel, notre confrère Philippe Vandel, dont la chronique le matin, entre nous soit dit, est une véritable mine pour toutes ces petites choses. Formidable. Oui, il est Oui. Dans son ouvrage Les Pourquoi en images, il nous dit que les Romains eux-mêmes ont cherché à comprendre pourquoi le pouce levé devait être perçu comme geste positif. C'est en observant des nouveau-nés, dit-il, qu'ils auraient trouvé une réponse à cette question. Parce que les bébés, au tout début de leur vie, se tiennent poings serrés, le pouce caché dans la main. Et puis petit à petit, à mesure que le bébé se développe, l'enfant va ouvrir petit à petit la main, il va libérer son doigt. On voit le petit pouce comme ça qui se lève. Et à l'inverse, au moment de la mort, on dit que la main se referme et que de nouveau, elle a tendance à enserrer le pouce. On a tous eu l'occasion de voir d'ailleurs ce geste chez les personnes très âgées ou très malades. Et c'est vrai que c'est rarement très bon signe. Alors, montrer le pouce, ce serait, depuis la Rome antique au moins, un symbole de vie, si vous voulez, un geste favorable. Alors, est-ce que pour autant, lever le pouce pour arrêter un véhicule est une pratique universelle? Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que non. Ah. Qui lèverait le pouce dans certains pays pourrait être étonné des réactions virulentes que cela provoquerait. Est-ce que vous me voyez venir? Allez, au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine? Mm-hmm. Si vous levez le pouce, c'est un petit peu comme lorsque nous montrons le majeur, vous voyez. Ah, en effet, il va pas y avoir beaucoup de voitures. Dans certains de ces pays, renseignez-vous avant, mais évitez lorsque vous êtes dans certains de ces pays de faire du stop avec le pouce. De faire du stop de cette manière-là. Voilà. Bon, je suis désolé, j'ai essayé de dire à peu près ce que je pouvais sur l'autostop. Mais je crois que maintenant on est beaucoup plus le éclairé. Le reste n'est qu'à faire de bon cœur, de confiance et de civilité, n'est-ce pas? Alors nous allons nous retrouver demain pour une nouvelle émission. Oui, à 14h. Demain, vous nous raconterez l'histoire de l'agneau mystique de Gand, le tableau le plus convoité de tous les temps. Une émission passionnante. Oui, c'est ce grand polyptyque absolument extraordinaire qui se trouve dans la cathédrale de Gand, composé d'un grand nombre de panneaux. Ces panneaux ont fait l'objet de toutes les convoitises. Ils ont été pris, volés, emportés par les uns, rapportés par les autres, etc. Et puis il a fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale pour que le panneau de l'agneau mystique connaisse son épisode le plus terrible. Nous raconterons donc cela demain. Et oui. Et ce soir, vous jouez au Blanc-Mesnil. Ah, on le saura, parce que là, on l'a bien dit. Non, mais ce soir, il n'y a rien de particulier à faire. Je voudrais que cette salle soit comme d'habitude pleine. Bah, pleine à craquer, et elle le sera. Donc, il reste encore quelques places. Venez applaudir Franck Ferrand. C'est un conseil de la part de toute l'équipe. Au Blanc-Mesnil, c'est vrai qu'on mènera l'enquête comme le fait Philippe Delorme. Et voici Isabelle Quenin. Bonjour Isabelle. Bonjour Franck. Saviez-vous que 43 muscles, pas moins, sont sollicités à chaque fois que nous sourions? Ah. En quelques heures. Vas-y. En fait, sourire, ce serait une super activité physique. Ah bah ça va, c'est pas très compliqué. Nous en faisons de l'activité dans ce studio. Merci beaucoup Isabelle. Nous nous retrouvons demain.